de suite tu m'embrasses, sans savoir si j'en ai envie, sans savoir si j'apprécie. Il y a des jours où tu me lasses, des jours où j'aime, des jours où j'aime plus, des jours où j'aime, des jours où j'aime plus, des jours où j'aime. Thank you.